Radio Sud. La 25e, on est là, on est dans les studios. On attend Sidi Bess qui va arriver. En attendant, je vais vous passer un petit peu de son. Attendez, ne bougez pas. Radio Sud. Radio Sud. Radio Sud. Cinquième, on est là. En attendant Sidi Bess, on va passer des petits sons tranquillou. C'est parti. Ils ont cassé nos bâtiments et pensent avoir éteint le feu. Ils veulent nous empêcher de voir le jour. C'est nous les petits frères cachés dans un coin en train de boire. Les mauvais garnements pour eux sont devenus des sales voyous. Mais ici on appelle ça de la débrouille. La vérité c'est que les vrais voyous sont en costard. Tu veux que je te parle de quoi, t'en sais déjà assez. Chica me porte la guine, je vais m'en débarrasser. Ici les forces de l'ordre sont souvent caillassées. Porte tes couilles, donne du respect, c'est ce qu'on m'a inculqué. Chez moi y'a plein de talents, ça envole des tours. pour ça qu'ils ont cassé nos tours. Mais là j'ai pas le temps, c'est le dernier quart d'temps. Faut que je fasse un carton, je fais pas partie des perdants. À quoi bon faire le voyou gros si tu l'es pas? Les vrais bonhommes agissent, les feux me les pas. Tu sais y'a plein d'autres choses et ça c'est pas le pire. Pour des histoires cheloues, ça t'y sent pétard. Tes familles entières dans des HLM. Que du béton, y'a pas de jardin d'Éden. Une dose d'évasion dans un sachet d'herbe. On voulait toucher le ciel, Igo, on battait de l'aile. Tu crois en eux, en vérité, non, personne va t'aider. Déterminé depuis la maternelle, bipolaire. Dehors, je vois des fous qu'on pourrait interner. C'est le zoo, dans le hood, j'ai fait le tour, nuit et jour, dans le flou. J'ai vu mes rails dans le trou, perdu dans le gouffre. Ils ont cassé nos bâtiments et pensent avoir éteint le fou. Ils veulent nous empêcher de voir le jour. C'est nous les petits frères cachés dans un coin en train de boire. Les mauvais garnements pour eux sont devenus des sales voyous. Mais ici on appelle ça de la débrouille. Analoi plus certifié depuis ma première X à l'arrêt de bus. De ma chambre j'avais vu plongeante sur le 3 bis. On est en 90. Et quand papa punit ce qui s'est passé par la fenêtre en scratch, j'expertise mon banditisme. Ambiance monotone, Boston, ouais c'est bon. Paf du béton, crash du béton, shit du béton. Y'a eu des morts, des pleurs de la prison, des attentes de guérison. Alors que dans chaque section c'est les mêmes lois que nous méprisons. On a toujours traqué la monnaie sans tourner la veste. Tous les jours sous stress pendant que tu faisais la sieste. Problème de justice et les problèmes de guerre de terre. J'en tape des barres, j'en lâche des larmes. Dans le reportage, ils décrivaient une sorte de peste. Mais ils savent pas que la vie, on la débute avec des lestes. Y'a du flow, mais je me permets d'en rajouter un zeste. J'ai pas changé, j'en place une pour tous mes rails de l'Est. Ils ont cassé nos bâtiments et pour savoir éteint le fou. Ils veulent nous empêcher de voir le jour. C'est nous les petits frères cachés dans un coin en train de boire. Les mauvais garnements pour eux sont devenus des sales voyous. Mais ici on appelle ça de la débrouille. La vérité c'est que les vrais voyous sont en costard. La 25e, on est là à 22h minuit. En attendant, CD Bess, il y a DJ Junes qui est passé derrière les platines. C'est parti. Je vais couper court. De ce Delport, fils, j'en suis la source. Imprévisible, je suis un peu comme la bourse. Pour toucher le flouze, jamais à la bourre. C'est pas moi, mais elle qui me fait la cour. Ta vie entière est un compte à rebours. T'as de l'humour, t'as le style à Zemmour. Je déborde d'énergie, je te fume, je le savoure. Si je suis dur, sois douce comme du velours. T'es Aznavour, je suis tout pas que j'accours. Je suis dans la haute, t'es dans la basse cour. Pour toi, je ne sais pas si viendront les secours. Si je rappe, c'est que je rappe pour le titre. Et non, c'est je rafale comme un mic. Toi ou lui, je ne fais pas la diff. Uniquement en présent pour le titre. Pour le titre. Je rappe, c'est que je rappe pour le titre, pour le titre. Et lancé, je rafale comme un mic, comme un mic. Toi ou lui, je ne fais plus la diff, plus la diff. Évidemment, je suis là pour le vif, pour le vif. Priorité avant tout le titre. Leur fait encore mal, donc je continue le taf. Pour empocher le chèque, remplir deux trois sacs. Jean art, j'suis mal, chez nous que des vrais mâles. L'attaque est cérébrale, tu te pisses dessus, le blême est rénal. Fanny, 3-0 c'est le pronostic. De ton album, on écoute zéro titre. J'ai choisi le rouge dans l'arc-en-ciel, direct couleur événementielle. À chaque meurtre, disette pour ces fils de pute, c'est l'essentiel pour moi, de l'été à l'hiver. J'suis bouillant comme à l'époque Luther, faudra s'y faire. J'suis sur le terrain sans dans le cyber, et de nulle part les bolos langues de vipère émergent. Et mon flow les immerge, j'lâche le feu, le camion citerne, hiberne, hyper. chaud à l'africaine. J'accélère à Mac-10, appelle-moi Captain. Casse-tête à mes timbales, j'suis dans le rythme, c'est du reggae. Casse-tête à mes primates, ton compte on va le régler. Venette reste bad, toujours dans le stade. Chao, Junes, mes gars, toujours en pour plein. Pour le titre, pour le titre. Et lancé, je rafale comme un mic, comme un mic. Toi ou lui, je ne fais pas la diff. Uniquement présent pour le titre, pour le titre. Si je rappe, c'est je rappe pour le titre, pour le titre. Et lancé, je rafale comme un mic, comme un mic. Toi ou lui, je ne fais plus la diff, plus la diff. Évidemment, je suis là pour le vivre, pour le vivre. Priorité avant tout le titre. Pour le titre, pour le titre. Et lancé, je rafale comme un mic, comme un mic. Toi ou lui, je... Mes galères, ouais, d'Afrique, c'est ouais. Là que je suis né, j'aurais pu être sénégalais. Zaki Zaki, tu peux m'appeler quand tu me demandes s'il te plaît. Pour voir la vie, c'est juste un jour, bien sûr que ça, je te vois m'appeler. Bon balai, je vais y aller, pour tout le reste, c'est mes galères. Regarde d'Afrique, c'est là que je suis né, j'aurais pu être sénégalais. Zaki Zaki, tu peux m'appeler quand tu me demandes s'il te plaît. Pour voir la vie, c'est juste un jour, bien sûr que ça, je te vois m'appeler. La vie est dure, mon frère, mais tu sais, faut s'y faire. Combien sont déjà tombés dans le vide, adore Lucifer. On est comme dans le coma, en gros, on va trop mal. On porte au nez des rêves, mais en vrai, on me voit trop mal, heureusement qu'il y a les parents. J'aurais pu être SDF, je suis pas celui qu'ils préfèrent, mais je suis celui que je voulais être. À l'école même, j'ai pas eu mon brevet, mais bon tant pis, au moins je suis pas une brebis qu'ils ont abreuvée. J'ai la niaque, la rage au ventre et je vais encore dire, mon équipe est sortie, 2014 ce sera encore pire. Ça y est, on dort plus, cette année il faut qu'on torpille. Et puis on donne encore plus pour nos rouya et Horty. A peu ça qu'on est hal, tu sais qu'on a la dalle. On smash ça comme Hall Kerry ou Raphaël Nadal. La vie est triste, dis-le, début du mois, il 13, dis-le. Aujourd'hui on est père et fier, hier on était fils, dis-le. Prends le balai, je viens d'y aller, pour tout le reste c'est mes galères. En terre d'Afrique, c'est là que je suis né, j'aurais pu être sénégalais. Zaki Zaki, tu peux m'appeler quand tu me demandes s'il te plaît. Pour toi la vie c'est juste un jouet, bien sûr que ça je te vends m'appeler. Prends le balai, je viens d'y aller, pour tout le reste c'est mes galères. En terre d'Afrique, c'est là que je suis né, j'aurais pu être sénégalais. Zaki Zaki, tu peux m'appeler quand tu me demandes s'il te plaît. Pour toi la vie c'est juste un jouet, bien sûr que ça je te vends m'appeler. J'avoue, mes gosses me manquent, c'est eux la corde de mon cœur. Chaque jour je me sens loin d'eux et plus proche des rires moqueurs. Sans eux, je suis nada. Les cinq sont des bols d'air frais. Comprendra qui voudra s'il le fallait, certain que je les referais. J'ai des tas de soucis, mais bref, ça c'est ma life. Je suis parti, revenu, reparti et pleuré au milieu de la night. Où sont les frères? Mes vrais sont dans mon répertoire. Mes sœurs se conduisent sur quatre doigts. Tu te situes où tes repères, toi? Maman, je t'aime. Et toi aussi, papa. Mamie et papy sont là, même si entre nous on ne parle pas. J'ai déchiré mes papiers, zappé la carte vitale. Inch'Allah, je reste tapé pour ne pas finir à l'hôpital. Encore une taf, devant la scène, fais-moi une place. Face au but, fais-moi une passe, laisse-moi mettre une trace. Je veux être original, tu sais d'où je suis originaire. Un planoisien, pas besoin de le secouer comme de l'orangina. Prends le balai, je viens d'y aller, pour tout le reste c'est mes galères. En terre d'Afrique, c'est là que je suis né, j'aurais pu être sénégalais. Zaki Zaki, tu peux m'appeler quand tu me demandes s'il te plaît. Pour toi la vie c'est juste un jouet, bien sûr que ça je te vends m'appeler. Prends le balai, je viens d'y aller, pour tout le reste c'est mes galères. En terre d'Afrique, c'est là que je suis né, j'aurais pu être sénégalais. Zaki Zaki, tu peux m'appeler quand tu me demandes s'il te plaît. Pour toi la vie c'est juste un jouet, bien sûr que ça je te vends m'appeler. Je suis l'être humain, c'est un show comme l'été Truman. On connaît tous la fin, et moi la fin de mon estomac. C'est pas le chômage qui va me donner un toit. Ou bien comme Grovansky, c'est dans la merde que je mourrais de froid. On m'a dit te relève pas quand l'état te met à genoux. Parole de marabouze, gars, je crois que c'était un genou. Parfois je salis, ya Allah yahdina. Même s'il a dû laisser aller et que ma tête dit non. J'ai jamais coupé de cam, pas de thune, pas de coupé cap. Pas de pute, genre ta bêta, moins d'ambition que Madame Beckham. Y'a des millions qui se brassent au foot et moi j'en deviens fou. Vas-y paye ton fast food, moi je dois remplir ma feuille d'impôt. Moi je suis pauvre, en fait c'est juste que j'aime ça. La richesse m'éloigne de Dieu et j'attends pas mon RSA. Assez pleuré, tu me verras demain, tu seras apeuré. La veine sur le front, au fond, tu me verras péra. Prends le balai, je viens d'y aller pour tout le reste. La 25e, ça y est. Sidi Bess est avec nous. Yeah. Comment ça en va retard. Ça va bien. C'est pas grave. On a fait de la route. Ouais, ça va tranquille. Et toi? Bah écoute, tranquillement, hein, moi je suis descendu en vélo, tu vois. J'ai pas à me plaindre du stationnement. Ça va, t'as réussi à tuer le temps tant que j'arrive. Tranquille. Nickel. T'arrives d'où là comme ça? Montbéliard. Mombé. La ZUP. Le pays de Mombé. Non, juste Mombé. Si. Alors, bon, bah pour réexpliquer aux auditeurs, et puis en même temps, je te refais un petit. Tu vois, pas de soucis. On t'a prévu une petite interview, des petits jeux. On va te poser pas mal de questions. Mm-hmm. Et puis on finira par un petit live. Je sais que tu m'as déjà envoyé des sons, donc on les diffusera pendant l'émission. Ouais. Et puis voilà, ce soir, on n'a rien de prévu en deuxième heure. Donc c'est pas trop grave si on déborde. Ça va. Tranquille, on est cool. Donc je te présente Jounes, mon acolyte. En chantier. Ça va ou quoi? Ouais, tranquille, et toi? Ouais, ça va. Donc Jounes. Ex-rappeur, on sait pas trop, tu vois, on sait pas s'il a raccroché ou pas. Je suis là tu pour vois. Casser les couilles. C'est vrai? Ouais, c'est tout. C'est mon contrat. Et toi, t'es venu accompagner, donc t'es venu avec qui aujourd'hui? Avec un ami d'enfance. Yes. Fait pas de rap, mais il a toujours été à côté. Ok, good. Toujours là. Il est scred. Toujours. Il est scred. Si. C'est un puriste. Ah, ok. Et puis là, il y a Rizzo qui arrive, donc on est bien barré pour commencer l'émission. C'est un bel enchaînement. Voilà. C'est un puriste. Rizzo arrive. Il ouvre les portes. Puis on a Wasta aussi qui est avec nous ce soir. Un beatmaker dans l'ombre aussi, là, dans mon dos. Là, là il est en train de tapoter sur son clavier, en train de faire une instru en live. D'ailleurs, big up à Laco, big up à Pollux, big up au puriste, au passage, qui sont. En mode festif là ce week-end. Bref, on check le tonton. Le tonton il fait des cabrioles. Donc ce soir, émission spéciale Sidi Bess. Je t'explique, nous on a un petit rituel dans l'émission. On s'est amusé à faire un jingle. Et en fait, chaque invité, on leur propose de faire leur propre jingle. Donc on va te le passer, tu l'as pas encore entendu, on va te le passer deux fois, tu vois, il dure 5-6 secondes. Pour les droits d'auteur, faut qu'on le passe deux fois. Voilà, on le passe deux fois, comme ça on touche un bif. Et puis après, on te laisse un petit temps, tu nous fais un petit big up, Radio Sud 101.8, tu vois. C'est parti, Juju. Ouais, vas-y, je te balance ça. C'est parti. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao. Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Donc voilà notre jingle. C'est ça notre jingle. Ouais. T'es prêt ou quoi? On te le balance et puis tu nous fais un petit jingle en live ou quoi? C'est-à-dire juste un big up. Là, dans pas longtemps, vu qu'on va couper un mois, on va refaire des jingles avec toutes les voix des mecs qui sont passés, tu vois. Ok, je dis pas mon blase. Au contraire. Ok, si baisse dans la 25e. Ça marche. Si tu veux même les plaies, tu les pètes, tu vois, y'a pas de soucis. Tu peux faire un 16 mesures. Vas-y, ça marche. Je relance. Vas-y, balance. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. C'est Sidi Bess sur Radio Sud. Yeah. Merci. D'ailleurs, faudrait peut-être que je m'y mette parce que je suis en train de me dire que j'ai beaucoup de monde à jingler. Tranquille, il y a le temps. Sidi Bess, sur quel réseau on peut te retrouver? Si on a envie de te retrouver là, tout de suite. Tu peux me trouver partout. Ok. Twitter, si Snapchat, Facebook, Instagram, Jackie et Michel, Pornhub, ce que tu veux. Je suis partout. Voilà. Tu vas dans le commissariat de ta ville, tu leur dis mon blaze, j'y suis aussi, t'inquiète. Je suis partout. Enfin, le nom est partout. Moi, je reste chez moi, tranquille. Donc si là je veux t'ajouter sur Snapchat, je tape quoi par exemple? Sidi Bess, partout, Sidi Bess, simple. Tout partout. Je fais dans le simple et efficace. D'accord, ok, parce que je sais qu'il y en a selon les réseaux, ils ajoutent un. Non, peut-être un 25, peut-être un Y à la fin, tu vois. Pour des raisons technologiques. Il n'y a pas de Sidi Bess officiel. Ouais, tu vois. moi j'ai juste une petite question. Hein. Ouais. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, c'est la première fois qu'on se voit. Juste en te regardant comme ça, je dirais que ta marque de téléphone, c'est quoi? C'est un Huawei? Ah oui. Ok, d'accord, ok. Un sur un. Ouais, comme bien. Ça. Bah, tu vois, tu m'épates. T'es un mec, t'es assez gamer, tu joues un peu beaucoup. Bien sûr. Waouh. Oh là là. Regarde. Ce soir, t'es chaud, hein? Non, cool, man. Et ton, ta team préférée en foot, c'est Manchester United? Bien sûr. Oh là là. Je te laisse l'investigation. C'est bien. Élise Lucet, tiens-toi bien. Je dénonce. Ok, d'accord. Donc, t'as trouvé ça où? 3 sur 3 ou quoi? Ouais, 3 sur 3. 3 sur 3, c'est bon, c'est bon. Ouais. C'est tout, t'as pas d'autres bails encore? Ah non, c'est tout. Okay. Moi, ah viens, gros, facile. Je... Les réseaux sociaux, c'est la plus grosse des poucas, mon frère. Je pique et je m'en vais. C'est tout. Ok, donc Sidi Bess, pour ceux qui ont un petit peu de mal avec l'orthographe, c'est S-I-T-I-B-E-2-S. Voilà, donc vous pouvez ajouter, aller voir. Normalement, tu dis S comme Sophie. Ouais, comme c'est vrai. Bon, ouais. Bon, moi, ce que je propose, c'est de diffuser un morceau je avant de commencer l'interview. Donc, tu m'en as donné 4. Ouais, c'est ce que je t'ai envoyé, c'est les morceaux extraits de l'EP. Qui arrive le 14 septembre, Inch'Allah. Ok. Okay. Sortie nationale, streaming, physique, ce que tu veux, il sera... Yes. Le blast de l'EP, c'est Mes armes. Mes armes, ok. Il y a un morceau que je vais faire après en freestyle, c'est l'éponyme de, okay. de l'EP. Yes. Dont le clip est sur YouTube. Exactement. Exactement. Ouais. C'est Gras qu'il a fait, en plus, je crois. Ouais, c'est Gras, exact. Paix à son âme. Yes. Big up à sa famille. Ok. La famille Bouquet, si vous nous écoutez. Hein. On va faire du bio. Pas faire du bio. Dis-moi, quel morceau tu veux passer en premier? Je me souviens plus ce que je t'ai envoyé. J'ai Frère. Bah, mets celui-là, allez. Allez, avec CBR, c'est ça? CBR, ouais. CBR, Kelma. Et Kelma. Yes, c'est parti. Émission spéciale Sidi Bess ce soir dans la 25e. Check. Entre histoire de gangsta, de triplouche, de guest star. À part ta grosse bouche, vas-y. Dis-moi qu'est-ce t'as, t'encaisses pas. Que quiconque vienne te teste, telle peste. Dans ta tête, tu pètes Goliath ou King Kong, t'empeste. La vanité par tous les ports. Et tu préfères que la banalité se pose autre part. Ouais, ton festin, votre carré de bulles et Gucci. Faut toujours que tu te montes, porte Vuitton et Gucci. T'es dans la pue, dans tout ce que tu fais, t'en as perdu la vue. Dans ta bulle, y'a que Belzébuth que tu fais kiffer. La morale, elle t'a vite quitté. T'écoutes plus les rappelle des frères au point d'en oublier même quitter. Prétention haut de gamme pour une triste prestation. Une vie au calme, chez toi c'est pas en gestation. Non, tu préfères les embrouilles. Prouver ce que tu vaux, t'en oublies que là autour les anges veillent et qu'un jour tu te vaux. Frère, tu ne vois plus grand chose à part toi-même. Fier, le regard des autres c'est tout ce qui t'effraie. Même sans sous du compte, tu parles tes mains. T'écoutes tes partenaires, on t'écoute pas tes nerfs. Frère, tu ne vois plus grand chose à part toi-même. Fier, le regard des autres c'est tout ce qui t'effraie. Même sans sous du compte, tu parles tes mains. T'écoutes tes partenaires, on t'écoute pas tes nerfs. Vas-y, arrête gros. Tu me fais un mal de crâne atroce, là tu me parles de banane ou pécho de la balle de camachrome. Quand tu me parles genre, tu sais très bien qu'à la base j'arrive. Mais stop, elle va pas me sortir le coup du siècle à la spade, j'arrive. Je reste modeste mec, je prends ce que tu me donnes, alhamdou. Je suis pas en quête de luxe, ni de bête de bombe de hamtout. C'est ces histoires extravagantes, t'auras joué excessif. J'en suis sûr que pour ta reine, tu dois pas être le plus doué de ses fils. Faire le bar, jouer c'est le kiff, rien de plus facile, pas vrai. Mais le problème c'est que t'as le cul acier, tu te farcis le pavé. Moi je suis dans la prose, les peines, les multisyllabiques. Et c'est comme pour dans la drogue, les gueules. Je vais me sucer la... Faut que je fructifie ma vie, à chacun ses ambitions. Toi, je sais pas si t'es perdu aigri ou t'as perdu ton champ de vision. Si tes histoires de plan bidon t'apportent des résultats. Pour moi, ta vie est toujours en travaux. Pour être un homme, il te reste du taf. Frère, tu ne vois plus grand chose à part toi-même. Fier, le regard des autres, c'est tout ce qui t'effraie. Même sans sous du compte, tu parles tes mains. T'écoutes tes partenaires, on t'écoute pas tes nerfs. Frère, tu ne vois plus grand chose à part toi-même. Fier, le regard des autres, c'est tout ce qui t'effraie. Même sans sous du compte, tu parles tes mains. T'écoutes tes partenaires, on t'écoute pas tes nerfs. Pour toi, la modestie n'est qu'un concept. Un truc servi aux faibles, friable. Comme le respect ou les conseils, tu dis que pour les affaires, ce n'est pas via. T'avances via la haine ou les nerfs, via tes rêves de grosse villa. Mais bien sûr, oh, vous croyez quoi? Oh, je vais faire des trucs de fou. Je vais faire des dingueries. Ah, un truc de malade, je vais faire des clips de ouf. Fais voir, je fume dans ton joint. Vas-y, c'est bon là-haut. Trêve de plaisanterie avant de te faire comprendre. Révise tes sujets en faisant le tri, gros. C'est pas un trip trollé. Je vois le speed, t'es plutôt le type trollé. Aspin devant mon spliff roulé. Arrête de faire le mishtek. Y'a rien à gratter. Et là, je comprends pourquoi t'as pas d'amis et tes ennemis me check. Check. Check. plus grand chose à part toi-même. Fier, le regard des autres, c'est tout ce qui t'effraie. Même sans sous du compte, tu parles tes mêmes. Dégoûte tes partenaires, on t'écoute pas tes nerfs. Frère, tu ne vois plus grand chose à part toi-même. Fier, le regard des autres, c'est tout ce qui t'effraie. Même sans sous du compte, tu parles tes mêmes. Dégoûte tes partenaires, on t'écoute pas tes nerfs. Quel man. Si tu pèses, quel man. Si tu pèses, la 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. Yeah, putain, on est revenu dans les années 90 là. Bien sûr. Avec les scratchs et tout ça à la fin. Hip hop, gros. Tu sais, nous, c'est rare. Je suis un vieux. Hein. C'est de plus en plus rare hein, dans l'émission qu'on entende des scratchs. Hein. C'est pour ça que je suis un vieux. C'est quoi des scratchs? C'est quoi, c'est quoi des scratchs? T'es sur les baskets? Je vais faire du sale. D'ailleurs, tu me disais, je suis un vieux et tout ça. T'as quel âge en fait? 36. 36. Ouais. Et ah ouais. Du coup, t'as commencé à quel âge le Peura? Fou, parce que quand je suis allé sur ta chaîne, là, j'ai vu des sons et. Ouh, ça datait un peu. Hein. Le premier Scud, il est sorti en 2006. Ok. Je connais la vieille branche là-bas depuis cette époque-là. Ok. Et j'avais déjà commencé. Avant et... ça faisait 10 ans qu'il rappait. Tu vois, tu okay. calcules. Non, je pense 96. D'accord. Sérieux? Ouais. T'as commencé à rapper à 96? Ouais. Non, 96, je me suis mis dans le game et. Enfin, dans le game. Je me suis mis dans le mouvement vraiment et puis 98, le premier couplet. Ouais. Bon, Chao, je t'annonce que je vais effacer quelques questions. Là, on a affaire à un vieux. Non, okay. dans le bon sens du terme. Non, pas... Ouais, pas de problème. Non. J'ai su m'adapter, je suis un gamer, t'inquiète. Yes. Tout mon respect. Donc, moi, j'avais une question sur le blaze, déjà, ouais. Pour commencer. Sidibes. J'avais 4 ans. C'est incroyable. Ah, mon gars. Alors, t'es pas prêt. Sidi, c'est mon père, une petite dédicace à mon père. Et en rebeu, Sidi, c'est monsieur, tu vois. Okay. Distinction monsieur. Yes. Et BS, c'est mes initiales, BS. Ok. Tout simplement. Et pourquoi t'as rajouté un E et un S, du coup, entre les deux? Monsieur BS, okay. Ça faisait pourri, Sidi ouais. BS. Ouais, ouais, j'aimais pas, donc Sidi BS. Sinon, voilà, Sidi Ps, ça passe pas. Sidi BS. Il a créé la team BS. Je suis algérien, gros, donc tu vois, Sidi Belabès, tu vois. Voilà, c'est ça le cas dédié. Je me suis dit, c'est peut-être ça, je sais pas. Tout est lié. Ok, très bien. Et en dehors du rap, voilà, nous on pose toujours la question. Ouais, j'élève mon gosse. Voilà, est-ce que tu vis du rap? Est-ce que non, tu bosses? Non, est-ce que non, ouais, je bosse. Ouais, okay. Ça m'arrive de faire rentrer des billets avec le rap, mais okay. Ça paye quelques couches. D'accord, très bien. Donc, papa. Après, cherche pas à percer, moi, les délires de. Tu vois, les steaks. Ok. Vraiment. D'accord. Et ben justement, moi j'aimerais te poser. On viendra. Ah, ouais, pas de problème. Ouais, on va aller. Ça fait 20 ans que j'en viens, t'inquiète. Je t'attends, pas de problème. Quand tu allais, je revenais, gros. T'inquiète. Il est rodé. C'est lui, il va te poser les questions. Je t'ai préparé un jeu de ce soir, c'est ton ITV. Du coup, moi j'avais un petit jeu, c'est un texte à trous. Voilà. Je commence la phrase, tu finis la phrase. C'est très simple. On essaye un peu de décrypter les tu vois, parce que c'est dur de se faire une image du gars, tu vois, quand tu regardes ses clips, tu vois, on se connaît pas forcément, c'est jamais bien vu. Sûr. Donc vas-y, je vais te commencer la phrase et tu me finis la phrase. Ok. Si je devais me définir en un mot, je dirais que je suis... Tranquille. Tranquille. Ma plus grande fierté... Mon fils. Mes deux plus gros défauts... Impatient, algérien. Il l'a dit, quoi. Et du coup, mes deux plus grosses qualités. Impatient algérien. Tout ça parce qu'il y a des drapeaux algériens aux copains américains. Il y en a partout, frère. Je suis arrivé ici, gros, sur la route, drapeau algérien. Bezac, on arrive. Ok, très bien. Mais attends, c'est ton lien avec Rizzo. En même temps, là, je demande, ton lien avec Rizzo, c'est quoi? C'était, vous êtes croisés où? Comment? La zic. C'est quoi? La musique, on était la petits. Musique, ouais. On était beaucoup plus jeunes, même avant 2006, hein, parce que 2006... Moi, je connaissais 187. Voilà, on s'est check dans les années même 99-2000, hein, par là. Il y a eu les connexions, on avait chacun nos groupes à la base. On s'est même réunis à un moment donné. Il y avait du monde à l'époque. Il y avait c'était Belfort-Montbéliard. Sur Belfort-Montbéliard, si tu veux, t'avais des groupes qui émergeaient, et sur Belfort et sur Montbéliard, Et en fait, si tu veux, indirectement, ça s'est écouté, ça s'est... À l'époque, en plus, il n'y avait pas Internet comme c'était, tu vois ce que je veux dire. On ne voulait pas baiser l'autre. Il n'y a pas de plus fort. On se retrouve autour d'une table, on freestylait, on kiffait. Après, on se checkait, on allait boire des cafés ensemble. Et ça a fini en famille, quoi. C'est le même principe de base à chaque fois. D'accord, comme nous, on s'est checké après, comme on... Voilà, en fait, tu vois, tu rencontres la personne. Esprit hip-hop. Tu kiffes bien la personne parce qu'elle a le même esprit que toi, la même façon de penser. Et petit à petit, ça part de la musique. Mais voilà, ça a fini sur du familial. Regarde, t'as vu, je te parle de ça, c'était en 2000. Regarde, on est en 2019, frère, t'as vu. C'est lourd. On est toujours plus ensemble que jamais. Bien, ok. Bah tu vois, je savais pas que c'était aussi vieux, entre guillemets, dans le temps, tu vois. Si, c'est... Lourd. Ça date de ouf. Ça traîne des kilomètres. lourd. Ok. Si tu devais définir ton rap en trois adjectifs, ce serait quoi? La mentale, tranquille, message. Ok, très bien. Ouais, c'était pas trois adjectifs, mais c'est bon, ça passe. Ça passe. En tout cas, il est contre, Monsieur Larousse, contre c'est bon. Tout ce qui est auto-tune et puis nouveau. Non, je suis très ouvert. Faut pas te fier. Non. Bah, j'ai écouté un morceau de toi où tu avais clairement un petit passage où tu dis c'est de la oui, merde. Oui, oui, non, sur ce morceau-là, ouais. Ouais. Okay. Sur ce morceau-là, non, après, tu verras, j'en ai. Okay. J'en ai fait. Okay. J'ai essayé de m'ouvrir. C'est pas ce que je kiffe le plus, mais je l'ai fait. Ok. Pour essayer, exercice de style, je suis MC, je suis obligé de tout taper. Lyriciste même. Ouais, on essaye. Pourquoi tu t'es mis le lyriciste? Ouais, c'est vrai, j'ai vu aussi. Lyriciste. Parce que c'est la base pour moi. Tu peux pas faire de rap sans avoir de plumes, sans avoir de lyrics. C'est la base. Ok. Je vais pas citer de nom, je vais tailler personne de la nouvelle génération parce que je respecte. Ça viendra après. Non, je les laisse. Chacun son délire. Comme Aladdin, c'est pas mortel. Voilà, chacun son délire. Il commence. Ouais, je t'ai pas venu avec Aya Nakamura. Elle peut pas le tourner pour la troisième saison de l'Agence Touriste. Elle est vichy devant la boîte d'à côté. C'est. Marois là ou elle est pas là. Non, après, chacun sa façon de faire les choses. À l'époque, à mon époque, il y en a qui se travestissaient d'une autre manière pour faire du beef, tu vois. Ça s'appelait de la dirty, ça s'appelait du bounce, il y a eu plein de styles différents. À l'heure actuelle, c'est la trap, l'autotune, etc. Je respecte chacun sa façon de faire les choses, tu vois. Il y a des mecs qui deal dans la rue, c'est pas parce que t'apprécies pas que chacun fait sa façon de faire du fric, tu vois. Ok. C'est tout. Je reviens, je te coupe. Hein. Vas-y. Un peu comme j'ai envie. J'étais sur les réseaux un peu cette semaine et puis je me suis perdu sur la page à RTZ justement où t'as mis un commentaire en disant que les rappeurs c'était des crevards, blablabla. Les rappeurs? Ouais, blablabla. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Alors. C'était très humoristique. Jounes Investigation. Non, mais lui, c'est le FBI. Ouais, y'a pas de problème, alors, je lis le message. Vas-y. C'est quand même bizarre que chez les beatmakers, c'est souvent ceux qui. Lis tout, oublie aucun mot. Moi, surtout. Voilà, okay. C'est quand même bizarre que chez les beatmakers, c'est souvent ceux dont t'as jamais entendu parler, ni produire quoi, ou qui que ce soit. Qui gueule à réclamer des sous et vendre leur bail. Ouais. Voilà. Maintenant, lis mon commentaire. Non, mais le problème, c'est les MC, c'est les crevards. Voilà, donc quand je dis ça, c'est ce que les beatmakers disent. C'est ironique. C'était des. C'est de l'ironie. Attends, mais. Mais laissez-le, le vrai. Emmène-moi un vrai journaliste. Le vrai vient du bled, quoi. Attends, le vrai. C'est ironique. Parce que moi j'ai déjà parlé avec des beatmakers et on m'a dit que j'étais un crevard. Parce que le mec, tu lui demandes un beat, il te fait écouter un son de casserole, mon frère, il te demande 400 balles. C'est tout, c'est à un moment donné, je veux bien être un crevard, mais sans moi une vraie prod, mon frère. Okay. Voilà. Toi, nous, on a, ça fait longtemps qu'on fait du son, des beatmakers, on en a connu, hein, des gars qui ont des murs et des murs de vinyle à sortir des samples de fou. Elga, il te fait pas payer la prod, c'est une prod non, de non. malade. Et t'as un gars qui arrive avec son Fruity Loops. Qui te fait ding ding ding, puis qui dit 400 euros! Avec Hip Hop DJ, ça fait une semaine qu'il fait des prods. Voilà, c'était un peu ça la polémique, tu vois. Après, moi, je suis rangé, j'ai plus envie de gifler les jeunes, tu vois ce que je veux dire? J'ai mon gosse, je m'occupe de lui, mais. Je parlais pas des mecs confirmés, hein, parce que moi, personnellement, j'ai travaillé avec des beatmakers confirmés, des putains de noms qu'il y a dans le rap français. C'est pas aujourd'hui des mecs, ça fait une semaine, tu fais une prod sur Hip Hop DJ, tu me ramènes un pouf pouf pouf pouf pouf pouf, puis tu me demandes 150 balles, mon pote. Voilà, c'est Big up, spécial dédicace au vrai beatmaker, CBR, Monsieur Zian. Big up à tous les oufs de France, tous les vrais mecs derrière leur putain de truc, comme mon Wastux, mon putain de Wasta. Ok, excuse-moi de. Non, pas de soucis, justement, c'était. Mais y'a pas de problème, tu peux les faire les interludes. Mais la prochaine fois, je mettrai la ponctuation pour que ceux qui espionnent captent le délire. Voilà. Il a fait un petit compte avec une petite hamzette et tout, il t'a ajouté en scred. À fond, à fond. Ah, c'est toi. Tranquille, tranquille. Bon, bah écoute, moi j'ai fini mon texte à trous. Je propose de passer un autre morceau. Pas de problème. Du coup, t'as un morceau là avec un peu autotune ou pas dans ce que tu m'as donné? Mais je sais plus ce que je t'ai donné. Tu m'as donné, donc frère, on a déjà écouté. Ouais. Tu m'as donné ben, mes armes. Ouais. Fais pas si. Non, je crois pas qu'il y a de morceaux autotune, franchement. Ça veut dire qu'il faudra qu'on aille télécharger l'album. Hein. Non, non, il y a pas. Mais où ils sont, mais il n'y a pas d'autotune. Mais okay. C'est un peu plus. Il y a le clip d'ailleurs, allez le voir. Au passage, j'ai pris une petite claque quand même avec où ils sont. Parce que l'instru, bon bref, je parle un peu plus tard de l'instru, mais niveau flow, rien à dire. Les deux, à chaque fois, ça change tout ça. Bien, merci. Bien, c'est pas souvent que. C'est de la trappe, c'est le premier mot, c'est le premier texte trap que je tape. Ah, pas encore. Il a mis le son, j'ai kiffé, mais c'est pas ce que je pose d'habitude, tu vois. Moi, je suis vraiment. Il se force parce que les compliments, c'est pas son truc. Non, mais ça fait plaisir, merci. Mais du coup, c'est une prod à CBR aussi. C'est ouais, celui qui est avec moi en feat dessus, c'est lui qui me fait mes prods la plupart du temps, ou un gars de Marseille qui s'appelle Mr Zian. Ok. Mais je me disperse pas trop sur les beatmakers parce que ils montrent les nerfs. Parce que CBR, je. C'est vrai que CBR, je le vois depuis longtemps, tu vois. Je sais qu'il charbonne de ouf. CBR, spécial dédicace, je l'ai connu, il était grand comme ça. Il est venu enregistrer dans un studio que j'avais monté à Montbéliard. Je veux faire du rap, il m'a dit. Et ouais, il est encore là aujourd'hui et marche toujours à mes côtés. Gros beatmaker, gros machin, gros bisous Samir, mon pote. Donc je passe le son CDBS, CBR, où ils sont. Yes. On va dire que c'est le prémisse trap de CDBS. Ouais, on va dire que c'est le dépucelage. Ok, et ça, c'est sur le projet aussi qui va sortir? Ouais, sur le projet. Yes. C'est parti, l'émission spéciale sur la 25e, CDBS. Lancer flow, gros calibre, pendant qu'ils font leur vocalise. Tendance, trop de tarifs, trop de rimes perdues dans la matrice. Trop analyse, peu jeu, banalise leur texte. Trop de belles vexes, eux sont max quand nous on se canalise. Yo, analyse l'atmosphère, rare comme nous sur un poster. Nous on parle fort quand il faut se taire, y'a que devant Dieu qu'on se prosterne. Nous on parle pas comme dans un western, plaque plaque en bas les viscères. Tes rappeurs on leur fait la misère, on les croque au shot, on les digère. Ouais, c'est clair, y'a bruit de street et crédibility. Ça crève pour une paire de seufs, plus trèfle. Cheveux de queue, j'suis un gars sur Billie Jean. Vécu, factice, vendu pour un peu de rêve. Ton cul tu l'affiches pour goûter l'enfer. Quel vœu de merde. Cousin on opère dans ce monde de merde. On reste fier, toujours entre frères. On baise le thème, on croise le fer. S'il y a un problème on la jouera pas crème. Pas de sentiments mais les gants. Tu sens la peur qui te mangeait dans les dents. Crochet rapide dans les dents. Froid du canon sur la tempe. Ah il saoule. Ils sont en place. Yo. Ouais ils sont où les détracteurs? Les langues de pute les jacteurs. Ça change de vie, ton nombre de buts fera jamais de toi un bon acteur. Yeah. Alors sont où tes scuds frère? Tu clips, mais pour entrer la maille tu te rends compte vite que le mic s'éclipse. Dis-moi ils sont où tes équipes de fous? Zarma ceux qui font les gros coups. Ça chan mais ça n'a pas de couilles. Fort ces fils de lâche on refoule. On déboule, on déballe, on vous la met dans le boule. Eh ouais ma poule, ramasse les douilles. Les bacs qu'on empale tout en restant cool. On crame les bails, on choque la foule. Sont où ceux qui poussent et ouf? Et la font tous les jours autant que vous le voulez tous. Ma plume de coups va les rouler. Écoute, sont-ils la mouille, je crois que j'ai senti un contrat sur leur tête vaudrait pas mieux que quelques centimes. CBR, CDBS, encore une assaut c'est bien sorti. Sont où ceux qui veulent test? Dites-leur de retrouver la sortie. Trop de face dans le cockpit. Trace et face ta copie. J'écarte les gars, s'écrase les masses. Mon rap c'est pas ta copie. Yeah. Où vous êtes? Où vous êtes? CDBS, CBR, CBR. Check. Yeah. Affaire à suivre, affaire à suivre. Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounes. 22h minuit. Radio-Sud.net. 101.8. C'était CDBS, CBR. Où ils sont? Big yes. Up à CBR au passage. Dans ce son, c'est, dans ce son, à la fin, tu dis à suivre. Le son, il est mis sur YouTube le 3 janvier 2018. Ouais. Ben, suis. Regarde, on est en 2019, je suis dans ton émission, on continue à suivre. Ouais, y a pas de date de péremption. Si je veux, dans un an, je sors l'album. Qu'est-ce qu'il y a? Je prends maison de disque, moi. C'est moi, je paye, je fais ce que je veux. Attends. D'ailleurs, toi, tu t'enregistres où tout ça, tes projets, tout ça, tous tes sons? Chez moi. On avait fait un studio. J'étais il y a pas longtemps, studio Les Bêtes Musique. Ok. C'était une asso qu'on avait sur mon B. Et puis, du coup, on a arrêté. Et... Yes. Il y a des mecs, il y a CBR qui a monté son studio. Ok. Et puis donc la suite, ça sera chez lui ou à Marseille. Je dois descendre à Marseille là début juillet au studio de Monsieur Zian. Ok. Et puis ça se fera là-bas. Très bien. Prépare le deuxième tranquillement en attendant que le premier sorte. Il sortira en 2050. Inch'Allah. À suivre. Mais tu seras daron si t'es encore dans le rap. Hein? Du coup, je vais passer un peu dans les questions un peu plus influence, point de vue, anecdote. Ça va être très simple. Alors, au tac, comme ça. Influence, Redman. Ok. En primordial. Boum, direct. Premier, c'est tous ces albums par cœur quand j'étais ptio. Je savais pas parler anglais, mais ces couplets, je les connaissais. Ok. Mobb Deep, toute la vibe du Queens, M.O.P., tout ce que tu veux là. Je suis New-Yorkais à mort. Cheb Mami. Non, je déteste le rail, gros. Non, je suis un arabe, je déteste le rail, je déteste Larissa, tu vois. Ça veut rien dire, tu vois. C'est pas parce que t'es noir que t'aimes bien les noix de coco, tu vois, ça veut rien dire. T'as décidé de niquer mon frère. Oh, Miskin. Pourquoi t'es venu? Tranquille, tu peux encore repartir, gros. On a pas encore commencé, tranquille. Ouais, y a du répondant. Ok, donc Redman. Ouais. Boum. Un album référence. Muddy Water. Ok. Deux. Non, le 1. De Redman, excuse-moi. Non, de... t'étais pas né. Ouais. C'est... Je parle à eux. Non, c'est un des premiers albums de Redman. Okay, on va dire le deuxième. Ok. Mais pourquoi Redman, du coup? J'ai plus craqué, qu'un il m'a giflé. Okay. Il m'a giflé quand j'ai commencé à écouter du son. J'ai une grande sœur, c'est elle qui m'a fait écouter premier morceau, je crois, c'était Warren G. Ok. Des vieux. Ouais, je crois que c'était le premier morceau que j'ai écouté, c'était un vieux Warren G. Et il m'a fait kiffer. Donc je suis resté 3 semaines en boucle sur Warren G. Ça m'a saoulé, j'ai été chercher autre chose. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Internet, il n'y avait que dalle. Le disquaire. Donc il y avait un magasin en ville à Mombé, ça s'appelait Madison Nuggets à l'époque. Je suis allé. J'étais rayon rap. Et puis j'ai pris un scud, j'ai dit au gars, pardon ? Personne t'écoute. je veux t'écouter, moi. Dis-moi. Dis-moi tout. Dis-moi tout. Jeunesse, enfile ta veste. Dis-moi. Il a encore temps. Ouais, t'as une apostrophe. C'est quoi que t'as pas apprécié depuis tout à l'heure? Là, t'as une autre. Non, je t'assure, je t'aime bien. Qui aime bien, je l'attire bien. Ouais, c'est bon. Et donc, voilà, j'ai demandé au gars si je pouvais écouter l'album. J'ai kiffé Redman, puis je suis resté accroché dessus. Puis tout ce qu'il a fait ensuite n'a fait que confirmer mon choix. Ok. Method Man, Wu-Tang, après j'ai découvert la suite, tout ce qui était lié, puis j'ai kiffé, tu vois. Yes. Petit aparté, il a fait une blague sur le Madison Nuggets. D'accord. Et il faisait des sandwichs avec le CD. D'accord. Voilà. C'était... Attends. Du coup, je me laisse avec entre toi, vous. C'est un complot. Il y a un complot. Vas-y. T'es venu tout seul? Faut pas, gros, jamais. Donc, Redman, Muddy Water. Ouais. Là, du coup, je reviens en 2019. Boom, aujourd'hui, le morceau du moment là que tu passes en boucle, tu peux écouter 25 fois d'affilée. Est-ce que t'en as un là qui te vient? Ouais, des prods. Des prods de Monsieur Zian et de... En ce moment, ouais, je suis sur des prods. Si je dois écouter un morceau, y a rien de récent en fait, j'écoute que du vieux. Ok. J'ai une petite playlist rap français, tu vois, mais c'est que des morceaux d'avant. D'accord. Des Arsenic, des Lino, T'arrives pas à écouter du... Si, j'ai essayé, franchement, bah, tu sais quoi, là, le dernier morceau récent que j'ai écouté, tout le monde m'a saoulé, l'album de Nekfeu, il est sorti. Donc ça fait 30 secondes de... 10 secondes par musique, par un intro. J'écoute que les intros, je zappe. Il y a le morceau avec Alpha One. J'ai kiffé la vibe. Après, voilà, j'ai vite zappé parce que c'est difficile. Quand je les entends dire genre c'est nous les boss, même à l'époque de Lunatic et tout, j'arrive pas. Tu vois ce que je veux dire? Je sais qui sont les vrais. Donc après, j'apprécie la vibe quand même, mais pas en boucle. Tu vois, voilà, okay. C'est le dernier morceau récent que j'ai écouté. D'accord. Sinon, j'écoute que du vieux. J'aime bien Scylla, j'aime bien Furax, j'aime bien Rizzo, j'aime bien, tu vois. Mais si je t'ai dit Kobalade, tu vois, qui c'est quand même le personnage? Franchement, tu sais quoi, j'ai vu une interview, il savait pas c'était qui Ayam, je l'ai insulté toutes mes forces. Okay. Pas devant mon fils, intérieurement, j'ai versé des larmes de sang, mais qu'est-ce que je l'ai insulté? J'ai envie de le prendre par ses traits et de le taper sur tous les albums de rap français. Et je noterai qu'il y a pas longtemps, il a trouvé super que dans le dernier clip de PNL, on croit que c'est des frères les deux. Ouais. Je tenais quand même à le préciser. On dirait non, mais après, des frères, hein, il a dit. Ouais. C'est un génie. Ouais, non, mais à son, c'est un génie. Dans son monde, c'est un génie. Okay. N'empêche, il a percé. Oui, mais t'as déjà entendu à peu près ce qu'il faisait ou pas? Non. Jamais? Non, jamais. Niska, t'as déjà entendu un peu ce qu'il fait? Son Bendo, Jack D, machin. T'aimes bien ou? Non. D'accord. patron de Def, James Besançon. C'est moi. D'accord. Bah putain, bon courage. Attends. Je viens, Sidi Bess. Je suis pas signé. Attends, vas-y, ouais. Sidi Bess, là, j'ai la mallette. Ouais. Combien? Un million. Pour faire quoi? Tu fais du rap comme Niska. Non. Un million. Non? Deux millions. Million. Non? Tu prends pas le million? Non, je suis, ma mère elle écoute, mon père il écoute, mon fils il va me regarder, et j'ai un honneur mon frère. Ok. Il se travestit pas pour un million, donne okay. 10 millions. Et oublie pas. 10 T'en donnes 3,5 et on va discuter. Faut que je puisse prendre la fuite, tu vois, et ensuite laver mon honneur, l'honneur de ma famille, disparaître à tout ça jamais. Ça va coûter cher. Coûte cher, c'est un million, non? Et je compte me mettre bien quand même, finir mes vieux jours, tu vois. Un million, tu fais catch. Okay. Donne-moi 10, je fais du cobaladé là. T'inquiète, centièmes gros. Je t'en ferai des onomatopées là. Break. Y'a pas de problème, je te ferai kiffer. Tu vas t'ambiancer comme ils disent. Chicha pomme ou je sais pas ce que vous tapez là. T'inquiète mon frère. Mais sinon, tu les as? Ouais, non, mais avec parce qu'attention, tu dis des trucs comme ça en algérien et t'attends dehors tout de suite, frère. Non, au moins, tu vas au moins payer ton grec en sortant. Parce qu'apparemment, tu marches avec des mallettes de 1 million. Faut assumer après, frérot. Inquiète, on s'arrose après. Je reviens, ça marche. Je reviens à la charge, là. Bloque la porte. Et niveau visuel, tout ça, tu suis un peu les sorties de clips, les trucs actuels, en fait? Je vais pas te mentir, je suis que la plupart du temps local. Ok. Tu vois, tu vas sortir un clip, j'ai vu tous tes clips, surtout parce que c'était Guillaume qui les faisait. Yes. J'ai suivi, j'ai regardé mes clips. J'ai essayé de m'aimer, tu vois. J'ai regardé les siens, tu vois, Puriste, okay. Le dernier clip qui vient de sortir, j'ai kiffé la vibe, parce que c'est ma vibe, tu vois. À partir du moment où, après on se connaît pas spécialement, mais j'ai entendu parler de toi aussi, donc à partir du moment où il y a possibilité que ce soit dans mes délires, je vais regarder. Je soutiens le local, tu vois, Napalm. Okay. J'ai pas de force à donner à des gens que je connais ab d'une autre ville qui me crachent dessus si je leur demande à une prod ou tu vois. Non, on se donne de la force entre nous, c'est le meilleur. J'ai toujours fait ça. Et ben justement, j'avais posé, je crois, la question à Napalm quand il était venu. Niveau local chez vous, niveau structure, événements. Ouais, tu vois le désert du Sahara. Ok, d'accord. C'est à peu près, on s'en rapproche fortement. Ouais, c'est ce qu'il me disait. Après, c'est pas faute d'avoir essayé de mettre des choses en place par nous-mêmes, mais bon, on n'est pas soutenu. Puis beaucoup de bâtons dans les roues, puis beaucoup de mecs qui sont avec toi au départ qui sont plus là à la fin. Mm-hmm. Tu connais les bails, hein, tu vois. Mais après, ouais, on a essayé de faire des trucs, tu vois. Mais après, t'arrives, bonjour, une fête de la musique, tu peux avoir un petit emplacement. Oui, c'est quel style de musique? Bah c'est du rap. Ouais, bah garde la pêche. Ouais. J'ai un morceau là que tu vas passer, ça s'appelle Fais pas ci, fais pas ça. Je suis en train de tourner le clip. J'ai demandé à faire quelques prises dans la cour d'une école. Ouais. J'ai dû envoyer des lettres au maire, j'ai dû envoyer des lettres au rectorat. Ils m'ont tous dit non. Parce que pourtant, c'est pas vulgaire, c'est rien, mais c'est tendancieux. Ils ont peur qu'après, il y ait d'autres personnes qui viennent demander. D'accord, ouais. C'est con, tu vois, mais c'est des choses qui font que t'avances pas, c'est comme d'hab, tu vois. Après, j'ai l'habitude, je vais pas faire le gars, genre je suis choqué, je suis outré, ça fait 20 piges, je fais du rap, ça fait 20 piges, on a l'Amazonie dans les roues. Donc après, voilà, okay. Les émissions de radio, si c'est pas toi qui es venu chercher ton émission Radio Sud, c'est pas eux qui te la proposent, tu vois, faut se bouger comme d'hab, c'est les débrouillards. problème. Sauf qu'il n'y a pas de Kobala dans nos. Hein, je te vois venir. Non, je suis là, tranquille. Il sourit. Le D, il est en majuscule, nous. Et au niveau de tes influences musicales, donc tu me disais Wu-Tang, Queens, tout ça. Ouais. Est-ce que tu écoutes autre chose que du rap? Tu me disais ben, Ryan, ouais, franchement, tu vois. Non, j'aime bien la soul. J'ai eu des périodes, t'as eu, j'aime bien. Selassou, j'ai eu une période, j'ai kiffé écouter Selassou, Alicia Keys, j'aime bien des vibes comme ça, tu vois. Surtout quand je pars en vacances dans la voiture, j'aime pas écouter de rap, j'aime bien me mettre au calme, petite voix d'une meuf qui me berce. Ok. J'aime bien, après j'ai écouté aussi des vieux sons là, Al Green, etc, tu vois, des vieux sons. Après quand tu cherches des samples, gros, quand t'es passé par là, t'es obligé de taper des trucs comme ça, tu vois. T'es obligé d'écouter autre chose. J'ai samplé, je me suis tapé beaucoup de... C'est un pianiste breton, il s'appelle Didier Skiban. Okay. Qu'est-ce qu'on lui a, on l'a samplé sa race. Ah ouais, ah ouais. Je connais même pas. Donc voilà, j'ai tapé une fois pianiste sur Google, sur YouTube, quand on venait d'avoir internet, on s'est tapé 14 pages, on a vu Didier Skiban en premier sample, hop, va taper Didier Skiban, oh, découverte. C'est et ça. On a dû se bouffer je sais pas combien de trucs. C'est de la merde, hein, mais il a des bons samples. Ok. Ok. Juju, t'avais une question? Non. Vas-y, okay. Je me censure. Du coup, tu m'as parlé de CBR, ouais. Napalm. Ouais. Si tu devais mettre, comme tu veux, si tu devais mettre un ou plusieurs mecs en avant de chez toi, là, aujourd'hui, ce serait qui? CBR. Artiste complet pour moi, prod, chant. Il a quel âge, lui, en fait? Il a 30 piges. 30 piges, hein, ouais. C'est ça. Après, Napalm, il est plus jeune, mais beaucoup de talent. Beaucoup très de talent. Ouais, il est très fort. Il a beaucoup de talent. Après, on a travaillé son premier scud avec Lesbeth Music. Mais après, moi, je lui ai toujours dit, t'as du talent, tu vois. J'ai toujours essayé de lui dire, vas-y, va par là, fais pas ça, tu vois. Mais le problème, c'est que je suis pas bien placé pour donner des conseils, apparemment. Ouais. Sinon, ouais. Je serais avec Kobalade. Ah, avec directeur artistique. Def Jam. Chez Def Jam Besançon. Bouge-t'en boule. Mais ouais, sinon, après, j'ai entendu qu'il y avait une nouvelle génération, BRK, qui est passé ici aussi. Exact. Je vois un petit peu l'actu des petits jeunes qui arrivent, même si j'adhère pas forcément à leur style de musique, parce que je sais qu'ils sont dans leur époque et tout. Je les soutiens. S'il faut leur donner des plans, je leur donnerai. Si j'ai quelque chose pour eux, je leur donnerai. Tu vois, y a pas de souci. Mais je ferai pas de feat. Ah putain. En fait, t'as décidé de niquer mon truc, toi, aujourd'hui. Bah, je suis désolé, mais fallait me prévenir avant. C'était quoi ton truc? Comme ça, j'aurais vu mon truc, tu vois. Non, parce que moi, j'avais un bail à te proposer, un petit feat. Dans ta mais toi, de l'argent, du feat, t'en demandes beaucoup, hein. Ouais, c'est un feat argent, donc dans ta tête, je pense que t'as un rappeur que tu trouves flingué, tu sais, localement. T'en as un, je te demande pas de blague. Localement? Ouais. T'as peut-être un mec que tu trouves nul, rincé, là. Non. Non. Localement, tout le monde est bon pour toi, là. Ouais, ouais. Y a personne... Non, j'ai pas de blase, gros, parce que j'écoute pas... j'ai écouté... Si lui partage quelqu'un localement, c'est que je sais qu'il va pas partager de la merde. Ouais. Si Napalm partage quelqu'un de local, il va pas partager de la merde. Donc faudrait que je t'envoie les liens. Puis je donnerai pas de place parce que tu cherches les problèmes. Non. Bon. Non, bien sûr, il y en a, ils sont éclatés. Oui. Non, mais je les écoute pas, donc je peux pas te dire les noms. Très bien. Bon, bah, admettons que le mec le plus flingué là, de Besançon, de Mombé, il vient de voir, il dit Sidi Bess, tiens, pour 5000 balles, on fait un feat. Mais non, 10 millions, je t'ai dit. Non, mais là, c'est un feat, juste un feat. Mais un feat, pourquoi? Ça dépend pourquoi faire. Bah, ça sort, c'est quoi? Il y a moyen de gratter un billet, c'est pourquoi faire. Il te donne 5000 balles. Ouais. Il te paye le clip. Ouais. Et toute la promo, toi, t'as juste à partager sur tes réseaux. Viens, je le fais le feat. Bah, le feat, c'est 1 million. Non, je le fais. Il y a pas 5000 euros, je le fais le feat. Avec un gars de Besac. Ouais, je le fais. Je le fume. Je le fume. Je pars en mode, je le fume sur le couplet. Je le clash. C'est carrément, pas parce que c'est lui, il est claqué que je serais claqué sur le feat, frère. Ok. Tu vois, je vais rehausser le niveau de son morceau si je le trouve pété. Tu vois, je vais lui montrer. Je l'allume dans le feat. Je te jure. Okay. Ah, y en a plein des exemples comme ça. Attends, des Calbo Lino, des Menzo de l'AFF. Y en a toujours un flingué dans le groupe. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est pas pour autant qu'on les a laissés sur la route, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça se fait pas. C'est comme ça. Ok. Bien vu. Je comprends que, les 5000. Je pense que c'est assez clair. Hein, non, ouais, très clair. Très clair. En 20 ans de Pera, je pense que t'as fait de la scène. Ouais. Beaucoup, pas beaucoup? Ouais, beaucoup. Ouais. Est-ce que. Tu peux nous raconter ton meilleur souvenir sur scène. Ce serait rencontrer Racine en 2004. Ok. Et pourquoi celle-là plus qu'une autre? Parce qu'on a donné du touch à Jimmy Cliff. Bravo, ça c'était un moment magique. Celle-là personne n'a fait. Gros. Ah frère. Ah oui, mon pote, tu montes sur scène. Alerte, c'est ça. Alerte, c'est ça. Non, mais okay. C'était en 2004. On est d'avant, okay. Maintenant, on fait plus rien. Mais à l'époque, ouais, on a fourgué du touch à Jimmy Cliff. Ok. Et ça, c'était un moment. Ça vaut toutes les scènes du monde, mon frère. Incroyable. Incroyable. Maman, c'est pas moi. Incroyable. Incroyable. Et dans l'autre sens, de l'autre côté de la balance, du coup, ta pire anecdote, je vais dire musicale, tu vois, ça peut. On l'a tous vécu. On l'a tous vécu. Tu fais une petite fête de musique ou de quartier, puis t'as un ingé son, il est éclaté. C'est un gars du métal ou du hard rock. Ah ouais. Tu lui dis, mets la 3, il met la 4. Ouais. Et puis au moment où tu vas pour rapper, t'es à fond dedans, il te coupe le micro. T'as envie de l'insulter, mais il y a tous tes proches, tu vois. Tu peux rien faire. Tu pars avec ta frustration, c'est tout, tu vois. Et puis tu passes la demi-heure d'après à côté de lui à fumer ta clope en le matant de trave. Tu vois. Voilà. Alors que t'as amené tout le monde. Viens, viens, chante ce soir. Viens, chante ce soir, tu vois. Et à cause de ce mec-là, gros, ils te prennent tous pour un bidon. Tu vois. Je sais, parce que vous planez, vous l'avez vécu. Voilà mes pires moments, gros. C'est des bons souvenirs, mais sur le moment, t'as envie de tuer des gens. Ah putain, c'est lourd. Bien joué, bien joué, bien joué. Pour toi, c'est quoi la période? Donc là, je te la pose. Je sais qu'en plus, Rizzo, là, il est à l'affût. C'est quoi la période de l'âge d'or du rap français? Parce qu'il y en a qui disent qu'on est dans le renouveau de... 96-2002. 96-2002. Ouais. Et pourquoi? Pour toi... Écoute, si tu verras. Ouais. Là, y a va chercher. Il y a du Booba dans cette époque. Bah, Booba, premier album, Lunatic, Temps Mort, jusqu'à Temps Mort. Ouais, il y a plein de monde après. Il n'y a pas que. Il y a Diabus System, il y avait Papy Fredo, il y avait des anciens. Tu te coupes les veines quand tu les écoutes. Ils étaient déjà innovants, innovateurs, ce que tu veux. Il y avait surtout des mecs qui rappaient des réalités, pas des rêves. Des messages, il y avait des messages. Ouais. Tu vois, c'est ce qui différenciait vraiment à l'époque. Le mec qui dealait en bas de son bloc. Il le disait, mais il disait, le fais pas, c'est pas bien. Ouais, il faisait pas une gloire. Alors que maintenant, ils le font et ils disent, fais-le. Si tu le fais pas, fais-le. Alors que non, avant, on disait, on le fait, mais on n'a pas le choix, gros. C'est juste une différence de message. Ouais, et les messages, comme je t'ai dit, je suis un vieux, j'adhère pas au message de maintenant, parce que c'est pas le message que je veux pour mon gosse, tu vois, simplement. Bah justement, je rebondis. Le rap, du coup, l'évolution du rap actuel, est-ce que... Du coup, ouais, je vois un peu le négatif que tu fais ressortir, mais est-ce que tu trouves qu'il y a quand même des points positifs dans le seul point positif que j'accorde au rap en 2019, c'est qu'il a violé toutes les autres musiques qui nous ont craché dessus avant. Ouais, c'est vrai. Je suis fier de ça. Mm-mm. Tu vois, le rock, la variété française, c'est de la merde, c'est des rappeurs. Je suis juste fier de ça, que dans les charts, ils les violent tous. Mm-mm-mm-mm. C'est tout. C'est ma seule fierté, je m'arrête là. Okay. Après, tout ce qui... véhicule comme message, qui génère, ce qui... Ça me... Non. Ok. C'est des bons businessmen. Oui, je les respecte pour ça. Ok. Et au moins maintenant, quand je parle avec un rocker... Ouais. Reste tranquille. Reste tranquille. Calme-toi. Va là-bas. Va là-bas, Marilyn Manson. On joue un peu de guitare. Va faire un guitare-voix dans ton coin là-bas, au coin du feu. Ok. Ton projet? Ouais. Là, parce que là, tu nous as parlé d'un projet, ça va être quoi? Ça va être un album? C'est un EP, 10 titres. Un EP, 10 titres. Ouais. Donc, tout enregistré Il a été enregistré à l'SBET Music. À l'SBET Music, ouais. Exact. Il a été, la plupart des prods, c'est CBR et Monsieur Zian. Il a été mixé, masterisé à Marseille. Ok, d'accord, c'est ça que je vais te demander aussi. La pochette, c'est Sandy Tomic, un gars de chez moi qui l'a fait. Ok. Et puis voilà, sera distribué via Because Music. Okay. C'est déjà sur Spin Up Universal. Là, okay. Le morceau Mes Armes, il est déjà disponible en streaming sur Spin Up. Je suis avec un label de Nancy, Big Biz. Okay. Ça se passe plutôt bien. Jusqu'ici, ça va. Ça fait 10 ans que je marche avec eux.